Chapitre 12e. Secret. Alors Zara s'approche lentement de son petit frère. Abderrahman apparaît plus jeune que ses 17 ans à cause de son corps petit et frêle. Il semble un moineau sans défense, toutefois capable de s'envoler subitement, d'un vigoureux battement de ses petites mais puissantes ailes. Ce frère a la beauté de sa sœur, notamment des yeux d'une brillance ensorcelante. « Ah !» s'exclament parfois les voisines qui le regardent. « Toi, tu feras souffrir beaucoup de femmes. » Lui rougit, baisse les yeux et s'éloigne rapidement. Zara aime en lui la bonté de son caractère, sa gentillesse avec toutes les personnes rencontrées, en particulier les enfants de son âge ou plus petits, sans défense. En outre, plus d'une fois il s'est scandalisé en voyant les mauvais traitements causés à Saïd par des garnements. Abderrahman ne réagissait pas, connaissant sa faiblesse physique et la méchanceté des agresseurs. « Il est comme moi. La souffrance ne l'a pas rendu méchant, comme tellement d'autres. » Au contraire, il en est devenu compatissant par je ne sais quel miracle. C'est dire l'amour que la sœur éprouve pour son jeune frère. Abderrahman, lui murmure-t-elle avec sa plus tendre affection. Le moment est venu de parler ensemble. Totalement surpris, il demande, parler de quoi? J'ai entendu la conversation entre toi et quelqu'un d'autre quand vous étiez dehors, tout près de la fenêtre de notre maison. Te demandais combien? Et le type t'a répondu, je te le dirai quand tu seras décidé. « Alors, décidé à faire quoi ?» Abderrahman, très troublé et désorienté, fixe le regard sur celui de sa sœur et demeure silencieux, méfiant. « Je suis ta sœur, » souligne Zara, avec le plus de délicatesse possible, « ta grande sœur. Et tu sais combien je t'aime, moi aussi, combien je suis responsable de toi, de ta vie, tant que tu n'as pas atteint la majorité. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu projettes de faire ?» Le presque enfant demeure sur ses gardes, la bouche cousue. « Abderrahman, insiste la sœur, fais-moi confiance, cela restera entre nous deux. Ni ma mère ni mon père ne le sauront. Je sais que tu as des problèmes et que tu souffres sans rien dire, et je sais que tu es courageux, mais j'ai peur pour toi, peur de te voir tomber dans un piège. Alors s'il te plaît, dis-moi ce que tu as en tête, ce que tu as l'intention de faire. » Demeurant silencieux et rigide, le frère baisse les yeux vers le sol. « Non, regarde-moi dans les yeux, » le prie Zara avec tendresse. Avec douceur, elle met sa main sous le manteau de son frère et délicatement lui redresse la tête. Il reste les yeux baissés. « S'il te plaît, insiste Zara, regarde-moi. Fais-moi confiance, je suis ta sœur et tu sais combien je t'aime. » Brusquement, Abderrahman se lève. « Je vais dormir. » Elle retient avec fermeté par la main. « Non, le supplie-t-elle, reste encore un moment. » En laissant sa main tenue par celle de sa sœur, le cadet décharge la tension qui le torture. « Que veux-tu savoir ? Lance-t-il nerveusement. « Que je n'ai pas trouvé de travail, tu le sais. Que je ne peux pas m'engager ni dans la police, ni dans l'armée, ni dans un service de sécurité privé parce que je suis trop jeune, tu le sais. Que je n'aime pas faire partie d'un gang de vendeurs de drogue, de voleurs ou d'assassins, tu le sais. Que je ne peux pas immigrer légalement, tu le sais. Que je n'accepte pas de passer mes journées appuyées sur un mur dans la rue, tu le sais. Que je ne supporte pas de crever jour après jour de faim, d'humiliation et de désespoir, tu le sais. Alors, que veux-tu savoir d'autre? Ce que tu projettes de faire? Laisse-moi aller dormir, j'en ai besoin. Pourquoi ne veux-tu pas me le dire? Persiste Zara, encore plus suppliante. Parce que je dois encore y réfléchir, je n'ai pas encore pris la décision. Mais, s'obstine la sœur, dis-moi au moins de quoi il s'agit. Non, répond fermement Abderrahman, je le dirai quand je le déciderai. Il détache brusquement sa main de celle de sa sœur et quitte le salon. Zara en reste très consternée. « Je dois absolument connaître son secret. »